Jusqu'à ce jour, elle reste l'Arlésienne de la transition énergétique française. Alors que plus de 4000 éoliennes en mer étaient installées en Europe fin 2017, pas une seule ne vient agrémenter nos côtes avec ses pales délicates tournant au gré du vent. Difficile à croire pour un pays qui dispose d'environ 3500 km de côtes. Mais cette situation pourrait changer d'ici quelques jours. Une première éolienne en mer est en effet sur le point d'être tractée au large du Croisic, à 22 km du rivage. Elle se nomme Floatgen car elle est flottante. Ainsi, la France, à force de retard, adopte une technologie plus innovante que les éoliennes en mer fixées sur le sol marin. Moins d'une dizaine de telles éoliennes flottantes sont déjà en service dans le monde. Reste à savoir si cette performance donnera le signal d'un véritable démarrage de l'éolien en mer en France. L'éolien en mer a-t-il enfin le vent en poupe? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Bienvenue dans la méthode scientifique. Pour faire le point sur le développement de l'énergie éolienne en France, en particulier de l'éolien en mer, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Bertrand Alessandrini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement à l'École centrale de Nantes et chercheur sur les énergies marines renouvelables. Tout à fait. Raphaël Gerson, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef adjoint du service réseau énergie renouvelable à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. Vous pouvez suivre cette émission, comme chaque jour de la semaine, en direct sur France Culture et sur notre fil Twitter, @laméthodeFC. Alors Bertrand Alessandrini, sommes-nous vraiment à la veille de cet événement que constituera la première installation en France d'une éolienne en mer, ou est-ce de nouveau un mirage? Alors non, je crois que cette fois-ci, c'est pas un mirage. C'est quand même un projet qui a démarré en 2007, donc effectivement, on peut toujours se poser ces questions-là. Mais aujourd'hui, il y a bien une éolienne flottante, l'éolienne Floatgen, qui est en attente dans le port de Saint-Nazaire, en attente d'être installée sur son site, qui est aujourd'hui fin prêt à recevoir cette éolienne et à la connecter sur le réseau. Alors si ma question était un petit peu dubitative, c'est parce que cette annonce d'une première éolienne en mer en France date de longtemps. On a été habitué à ces annonces et elles ne se sont pas toujours produites. Voyons écoutons cette archive de l'INA de 2005, le journal de France 3 du 15 septembre 2005. Voilà ce qu'on entendait. Au large de Velette-sur-Mer, ça souffle fort 300 jours par an. Dans quelques années, 21 éoliennes vont surgir à l'horizon, 90 mètres au-dessus des vagues. Voici à quoi ressembleront ces moulins à vent construits par une société allemande. Des machines proches de ces éoliennes danoises en mer du Nord. Avec une production totale de 105 MW, le futur parc maritime devrait alimenter en électricité, grâce à un câble sous-marin, environ 150 000 personnes. Évidemment, on sera loin de la puissance de la centrale nucléaire de Paluel installée à proximité. 30 milliards de kWh par an pour l'une, 300 millions pour l'autre. Un seul parc offshore en France, c'est une goutte d'eau. D'ici 2010, la France doit en effet produire 21% d'électricité à partir de différentes énergies renouvelables. Mais l'éolien maritime, ça coûte cher. EDF rachètera la production à un tarif presque deux fois plus élevé que l'énergie classique. En 2009, les éoliennes maritimes devraient fonctionner à 7 km des côtes. Pour les voir, il faudra une bonne paire de jumelles. Alors voilà, 2009, donc c'était 4 ans après ce journal de 2005. Évidemment, ça ne s'est pas produit, puisqu'aujourd'hui encore, en 2017, nous n'avons pas d'éoliennes en mer en France. Alors, peut-être une réaction, Raphaël Gerson, sur cette nouvelle perspective. Est-ce que c'est vraiment la bonne foi où on peut attendre une éolienne en mer en France d'ici quelques jours, d'après ce que nous disait Bertrand Alessandrini? Tout à fait. On l'espère d'ailleurs. Les conditions de mer en ce moment sont assez houleuses en Atlantique, mais normalement, effectivement, cette éolienne flottante devrait être mise en service dans les prochains jours pour être testée. Et on assiste effectivement un peu au paradoxe où l'éolien flottant va être les premières fermes pilotes éoliennes flottantes vont vraisemblablement être opérationnelles en même temps que les premiers parcs éoliens offshore posés. Mais les deux énergies sont complémentaires. Et donc après, on tire effectivement les leçons des délais qu'il y a eu. Vous savez que les parcs éoliens en mer ont été lancés sous deux vagues, donc pour 6 projets, pour un total de 3 gigawatts. Ce qui s'est passé, et ce qui explique le délai aujourd'hui, c'est un faisceau d'indices, mais les principaux sont des difficultés administratives avec un certain nombre d'étapes que doivent passer les développeurs de projets une fois qu'ils sont lauréats. Et également des recours. Il y a eu beaucoup de recours qui ont retardé les projets. Et l'État a semble vraiment tirer les leçons de ça, puisque dans le cas des deux appels d'offres pour l'éolien en mer posé, les deux nouveaux qui sont en cours sur Dunkerque et l'île d'Oléron, s'est mis en place un dialogue concurrentiel pour justement anticiper la concertation en amont et dérisquer les zones pour accélérer le développement de ces projets. Bertrand Alessandrini, vous vouliez réagir à cette archive de 2005 peut-être, et cette perspective historique un peu? Oui, pour dire que je suis vraiment en phase avec ce qui vient d'être dit. Le cadre réglementaire spécifique en France, qui par ailleurs évolue dans la bonne direction, est une des raisons. Mais quand même, ce n'est pas la seule. Effectivement, on a des centaines de kilomètres de côtes en France. Mais c'est des côtes qui sont difficiles. Des milliers, donc des centaines. Mais c'est des côtes qui sont difficiles pour l'implantation d'éoliennes. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez. Les premières éoliennes offshore qui sont apparues étaient implantées dans des zones où les conditions de vent et de mer étaient relativement faibles. Aujourd'hui, les parcs français, que ce soit en Méditerranée pour le flottant, comme en Atlantique, sont prévus pour des conditions qui sont beaucoup plus dures. Donc, on demandait beaucoup de temps de recherche et développement, et on demandait, pour, en ce qui concerne la Méditerranée, l'apparition des projets d'éoliens flottants. Donc, je crois qu'il y a vraiment les deux phénomènes qu'il faut juxtaposer, pardon, pour arriver à expliquer ce, entre guillemets, retard français par rapport à l'Europe. Raphaël Gerson. Oui, tout à fait. Pour compléter ce qui vient d'être dit, effectivement, on a souvent tendance à faire une comparaison directe entre les parcs éoliens en mer posés qui verront le jour au large des côtes françaises et les parcs éoliens en mer qui sont déjà opérationnels en mer du Nord et qui sortent aujourd'hui, on voit des appels d'offres avec des coûts très compétitifs, même qui sortent sans tarif d'achat, c'est-à-dire qu'ils anticipent une baisse des coûts pour se passer de toute subvention quand ils sortiront dans quelques années. Donc, mais la comparaison ne peut pas être faite, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, aussi directement. Notamment, les fonds marins sont beaucoup moins profonds, donc les challenges techniques sont beaucoup plus durs sur nos côtes qu'en mer du Nord. Et également, la perception du risque. Quand on a fait une analyse de coûts à l'ADEME sur l'innovation dans l'éolien, et on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait 3 facteurs clés qui expliquaient le coût, et le fait que le coût des éoliennes en mer était beaucoup moins élevé en mer du Nord, c'était le gisement, hein, qui est plus élevé chez eux que chez nous, le CAPEX, qui est plus élevé chez nous, donc les coûts d'investissement qui sont plus élevés chez nous du fait de la profondeur que chez eux, et également, un troisième facteur qu'on a tendance à oublier, c'est la perception du risque par les investisseurs. Et ça, dans le calcul des coûts financiers du LCOE, c'est crucial parce que ce taux d'actualisation est beaucoup plus élevé en France parce qu'il traduit une perception d'un risque plus élevé qu'en mer du Nord. Et ça, ce taux d'actualisation, il va être amené à baisser parce que la perception du risque va être amenée à baisser avec le dérisquage des zones en amont et au fur et à mesure que les parcs se développent. Enfin, toutes ces conditions étaient connues à l'époque, par exemple en 2005, quand ce projet dont on a entendu parler dans cette archive ont été lancés. C'est-à-dire qu'on était très proche de la réalisation. L'annonce était pour 2009, la mise en service de ce parc. Et nous sommes en 2017 et ce parc n'a jamais vu le jour. Donc il y a une difficulté à comprendre un petit peu quels sont les mécanismes qui ont freiné à ce point le développement de l'éolien en mer. On va revenir sur cette nouvelle, de ce nouveau projet, Floatgen, qui doit être lancé et mis en essai, je crois, pendant 2 ans, au large du Croisic. Pendant au moins 2 ans, oui. Au moins 2 ans, donc ça veut dire encore 2 ans de plus. Là, vous avez dit que le projet avait démarré en 2007, ce qui veut dire que ça fait 10 ans déjà pour arriver au stade actuel, et ensuite 2 ans pour tester la machine en service. Oui, mais de ce point de vue-là, c'est un projet assez atypique. C'est un projet de recherche et développement sur lequel on va venir vraiment tester des innovations. C'est un projet, comme vous l'avez dit, qui a démarré en 2007. Mais en 2007, ce qu'on a démarré, c'est sur la base d'une réflexion qui se dit, de l'École centrale de Nantes, qui se disait, eh bien, les éoliennes flottantes, les éoliennes offshore, mais les autres dispositifs de récupération des énergies marines devraient voir le jour. Et un jour, on aura besoin de les tester et de les connecter au réseau. Donc, ce qu'on a démarré en 2007, c'est la mise en place, et c'est un investissement quand même de 20 millions d'euros, d'une connexion à 20 km au large des côtes de Saint-Nazaire et du Croisic, sans avoir en tête exactement le projet qui viendrait se connecter. Et ça, c'est quand même une première en Europe. Et on a obtenu les autorisations a priori, sans avoir connaissance du projet qui viendrait se connecter. Et là, c'était un pari. Et pour investir 20 millions d'euros, on parlait de risque sur un tel pari en se disant qu'un jour, un projet viendrait se connecter. Je pense que là, on a un bon exemple d'une prise de risque. Et ce n'est qu'il y a 4 ou 5 ans que l'on a identifié, à la fin en fait, de la mise en place du câble qui raccordait le site au réseau, qu'on a identifié le projet Flotgen comme un projet potentiel pouvant venir se raccorder, qu'on a vraiment démarré le projet Flotgen d'éolienne flottante. Alors, l'éolienne en question n'est pas monstrueuse, hein, elle a un rotor de 40 mètres de large et une hauteur de 80 mètres, mais elle est équipée d'un flotteur de 5000 tonnes en béton allégé, qui est peut-être la partie justement assez originale de ce projet, Bertrand Alessandrini. Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que l'innovation sur ce projet, c'est tout sauf la turbine et les pales. On peut même dire que la turbine et les pales sont relativement sous-dimensionnées par rapport aux flotteurs, par rapport aux ancrages et par rapport à un certain nombre de choses. Ce qui est vraiment innovant, et derrière on a une start-up qui aujourd'hui est plus une start-up, est une PME qui s'appelle Ideol, qui détient les brevets de cette éolienne, c'est véritablement le flotteur. Flotteur qui peut recevoir une variété assez importante de turbines. Et là, on n'a pas innové sur la turbine. On a innové sur le flotteur en essayant de le rendre le plus stable possible. Première chose. Il faut rappeler qu'elle dans les détails. Ce flotteur va flotter, comme son nom l'indique, avec l'éolienne fixée sur lui. Ce flotteur flotte comme un bateau. Mm-hmm. C'est une grande cuve carrée en béton. Alors en béton creux, c'est pour ça qu'il flotte, avec un puits au milieu qui va permettre justement d'amortir les mouvements du flotteur par rapport à la sollicitation des vagues, des ancrages également très innovants. Et voilà, et donc on va installer ce dispositif d'ici quelques jours ou quelques semaines en fonction justement des conditions météo. Aujourd'hui, on a besoin d'une fenêtre météo de quelques jours, je ne vais pas dire exactement combien, de beau temps. Pour pouvoir installer cette éolienne. Raphaël Gerson, cette éolienne va venir donc s'ajouter au parc actuel d'éoliennes terrestres. Combien de ces éoliennes sont installées en France aujourd'hui ? Alors, en France aujourd'hui, sur Terre, on a 13,6 gigawatts d'éoliens donc terrestres installés. Et en prévision, donc aujourd'hui, comme vous l'avez bien mentionné, pas encore d'éoliennes en mer posées, mais 3 gigawatts qui sont prévus à horizon 2023. Ça, ce sont les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est en train d'être révisée pour également fixer les objectifs pour 2028. Et nous, à l'ADEME, on préconise un objectif ambitieux mais atteignable de 6 gigawatts pour l'éolien en mer posée en 2028. Et pour l'éolien flottant, là, effectivement, on avait un objectif en 2023 de 100 à 150 mégawatts qui englobait toutes les énergies marines, donc pas seulement l'éolien flottant. Et pour 2028, grâce aux fermes pilotes éoliennes flottantes qui sont en cours de développement, parce que là, on parle effectivement d'un prototype, mais il faut savoir qu'il y a 4 fermes pilotes qui sont actuellement en développement en France, qui sont cofinancées par l'ADEME, qui sont lauréats d'un appel à projet du programme des investissements d'avenir. Donc, 4 fermes pilotes, 3 en Méditerranée, 1 en Bretagne, et donc qui verront le jour en même temps que l'éolien posé, donc avec un objectif donc de 3 gigawatts en 2028, qui semble également atteignable. Donc pour l'éolien flottant, effectivement, on a pas du tout ce retard, on est même plutôt en avance. La première ferme pilote, elle a été inaugurée dans le monde, hein, la première ferme pilote mondiale, juste l'année dernière en Écosse, de 30 mégawatts. C'est tout ce qui existe dans le monde aujourd'hui. Donc là, on est plutôt dans les clous. La méthode scientifique, Michel Alberganti. Vous écoutez donc la méthode scientifique sur France Culture, émission consacrée aujourd'hui à l'énergie éolienne et en particulier à l'éolien en mer avec nos deux invités, Bertrand Alessandrini, directeur du développement de l'école centrale de Nantes, et Raphaël Gerson, chef adjoint du service réseau énergie renouvelable à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. Alors le recours aux éoliennes en France qui soulève tant de débats, tant de concertations nécessaires avec les populations en particulier, peut-être faut-il rappeler quel est l'intérêt de cette technologie et de cette fabrication d'électricité à partir du vent. Alors bien sûr, on se souvient des moulins à vent, ces ancêtres des éoliennes, qui produisaient une énergie à l'époque mécanique pour moudre des céréales ou presser des olives. Aujourd'hui, les éoliennes doivent relever le défi de transformer l'énergie cinétique du vent en énergie électrique. En quelques mots, Bertrand Alessandrini, comment atteint-on cet objectif ? Alors, l'intérêt, pour répondre à votre première question, de l'éolien, moi je vois trois choses. C'est des énergies renouvelables, c'est des énergies décarbonées et c'est des énergies inoffensives. On le voit, il y a eu quelques tempêtes les hivers derniers, en particulier cet hiver. Il y a quelques éoliennes, il y en a une en particulier assez près de Nantes qui est tombée. Ça n'a même pas été un sujet. Je ne sais même pas si c'est monté jusqu'à Paris qu'une éolienne était tombée. Donc ça, c'est très important. Et puis, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, et moi je trouve que en France, on se regarde vraiment trop souvent le nombril et on oublie de regarder dans le monde. Aujourd'hui, l'éolien offshore et l'éolien en général dans le monde, ce n'est plus un sujet. Et on ne devrait même plus se poser la question en France. On devrait comprendre que sur ce sujet-là, le monde est en train de nous tirer, peut-être comme pour le photovoltaïque. Je vous donne quelques chiffres. Les énergies renouvelables, c'est 300 milliards d'investissements dans le monde. L'éolien, c'est à peu près 150 milliards. Le reste, c'est le photovoltaïque, c'est pour l'autre moitié. Et l'éolien offshore, c'est quand même 40 milliards. 40 milliards d'investissements. Donc forcément qu'on progresse. Le monde progresse. Et ça, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que la France, elle ne progresse pas tant que ça sur ce sujet-là. Je poursuis les chiffres. 40 milliards pour l'éolien offshore, 10 milliards pour l'énergie nucléaire. Donc, le monde et la filière industrielle de l'éolien offshore progressent très vite. Plus quatre vite, fois plus que le nucléaire. Les investissements sont quatre fois plus importants aujourd'hui que le nucléaire, et ça va évidemment s'accélérer, puisque ça ne va pas dans le bon sens pour le nucléaire, et ça va dans le bon sens pour l'éolien. Ça, c'est vraiment un constat. Et qu'est-ce qui marque ce constat ? C'est le coût. Il y a à peine une dizaine d'années, le coût, c'était en gros 200 à 220 euros du mégawattheure, le coût de l'énergie électrique éolienne. Aujourd'hui, c'est ce que vous aviez dit au début de l'émission, le coût, c'est 60-70 euros du mégawattheure. Alors même que la Cour des comptes nous dit que le coût de l'énergie nucléaire est à 63 euros du mégawattheure. Donc non seulement on a une énergie renouvelable, décarbonée, inoffensive, mais on est pratiquement au même coût que les autres aujourd'hui et ça continue de progresser. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'en France, on a encore des débats qui, moi, me semblent un peu trop techniques pour savoir si c'est bien ça qu'il faut faire ou pas, alors que c'est parti dans le monde. Raphaël Gerson, comment vous réagissez à ce constat ou cette analyse de Bertrand Alessandrini? Alors, je partage certains points, effectivement, sur l'engouement mondial pour les énergies renouvelables et pour l'éolien en particulier. Il est indéniable. En 2016, il y a eu plus de 160 gigawatts à l'échelle mondiale qui ont été installés en capacité renouvelable. C'est bien plus que les capacités en énergie conventionnelle qui ont été installées. Il y a effectivement cet engouement pour trois raisons principales qui ont été également cité précédemment, le fait que les énergies renouvelables permettent d'assurer une sécurité énergétique par rapport aux énergies conventionnelles qui nécessitent un approvisionnement dans d'autres pays et parfois dans des zones difficiles, que les énergies renouvelables permettent de lutter contre le changement climatique avec un bilan environnemental très positif. On parle de 12 grammes de CO2 par kilowattheure produit pour l'éolien et un temps de retour énergétique de 12 mois, c'est-à-dire qu'en 12 mois, l'énergie produite par une éolienne a compensé l'énergie qu'il a fallu utiliser pour la produire. Donc c'est un bilan environnemental très positif. Et enfin, troisième facteur qui drive cette croissance des énergies renouvelables, c'est la compétitivité économique, en particulier de l'éolien. Je partage tout à fait l'analyse de coûts qui a été faite. Les résultats des derniers appels d'offres sortent effectivement à 65 euros du mégawattheure pour l'éolien posé terrestre, et avec un potentiel qui reste là. Il faut continuer à soutenir l'innovation parce que le potentiel de coût, il continue à baisser, puisqu'on peut faire des projections à 50 euros du mégawattheure en 2030, et avec une baisse des coûts qui est encore plus forte pour l'éolien en mer posé comme flottant. Donc je partage tout à fait ce constat qui est fait de cet engouement. Après, pour la France, elle a des vrais atouts. Un gisement qui est exceptionnel, que ce soit à terre comme en mer. Un nombre d'acteurs, grandes entreprises, laboratoires, PME, qui sont très actifs, très innovants. C'est plus de 600 entreprises et plus de 18 000 emplois, l'éolien en France. Et alors là où je partage un peu moins l'analyse, c'est sur le fait que la France ne fait pas grand-chose. Il y a quand même des appels d'offres qui sont lancés. Non mais, les appels d'offres, ouais, visiblement, n'ont pas permis d'augmenter terriblement la part d'énergie éolienne dans le mix énergétique, c'est-à-dire dans l'ensemble des moyens de produire de l'électricité. On est autour de 6%, est-ce que vous confirmez ce chiffre, d'énergie éolienne dans la production française d'électricité, ce qui est très faible. Disons que effectivement, pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en 2023 et les objectifs de la loi sur la transition énergétique et la croissance verte et ceux de la programmation pluriannuelle de l'énergie, il faut accélérer le déploiement. On est complètement d'accord là-dessus. Et pour accélérer ce déploiement, il faut lever des verrous qui sont de trois ordres, mais qu'on va retrouver pour toute la transition énergétique et pour toutes les filières. Il faut lever des verrous technico-économiques, il faut lever des verrous réglementaires et administratifs, et il faut lever des verrous sociétaux. Et j'ai envie d'insister sur ce troisième point, sur l'acceptabilité sociale de l'éolien et l'appropriation par les territoires de cette énergie. C'est vraiment le verrou crucial qu'il va falloir lever pour développer l'énergie éolienne à terre comme en mer. Bertrand Alessandrini, est-ce que pour vous c'est également le point essentiel de ce blocage? Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment peut-on expliquer que les appels d'offres se succèdent sans que jamais une installation industrielle ne soit inaugurée? Pour ce qui est d'éolien en mer en tout cas. Moi je crois que c'est une question de prise de risque. On n'a pas prévu il y a 10 ans, voire même il y a 5 ans, ce que pouvaient faire des programmes de recherche et développement et la baisse des coûts d'un facteur 3 que l'on est en train de voir aujourd'hui. Donc ceux qui ont fait le pari il y a 10 ans, ceux qui ont engagé des travaux de R&D très conséquents, ceux qui ont aujourd'hui les turbines, ceux qui ont aujourd'hui les fondations, ceux qui ont aujourd'hui le matériel qui permet de poser ces éoliennes, ce sont ceux qui ont fait le pari il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, c'était bien un pari. Aujourd'hui, alors que la filière commence à être rentable, il est trop tard pour faire de la R&D. C'est bien ça la difficulté. Alors, j'espère qu'on est quand même performant, c'est vrai, et on a quand même des atouts. Et donc, on pourrait quand même se rattraper, en particulier sur l'éolien flottant. Mais la R&D, c'est un pari. Ça doit se prendre dans des situations risquées. On doit débloquer des budgets dans des situations risquées. Sur cette filière-là, on n'a pas su le faire en France. On a su le faire dans d'autres domaines, par exemple l'aéronautique. On n'a pas su le faire sur l'éolien offshore, en tous les cas pour l'instant. Mais on n'est qu'au début de cette filière. Moi, je pense que rien n'est encore joué. On est vraiment au début. C'est l'Eldorado. Donc aujourd'hui, effectivement, ça part un peu dans tous les sens. Moi, je dirais pas quand même qu'on a perdu. Alors, la question qui se pose, c'est comment les autres pays, peut-être, ont procédé. On sait qu'il y a énormément d'éoliennes en mer en Allemagne, en Angleterre, en Espagne. Et alors que, au final, la technologie est la même des différents côtés de la mer. Alors, comment ça se fait qu'en France, Raphaël Gerson, eh bien, il y a une difficulté particulière à ce que ces projets d'éoliennes en mer voient le jour? Alors, je voudrais juste relativiser certains points. C'est ce que vous faites depuis le début, mais en fait, ça se heurte à la réalité, est qu'il y a peu d'éoliennes en France et encore moins en mer. D'accord, mais quand vous dites qu'il y en a beaucoup ailleurs, juste par ordre de grandeur, on parle de 500 gigawatts dans le monde d'éolien terrestre, l'éolien en mer dans le monde, c'est juste 19 gigawatts. Donc, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par mon collègue sur le fait qu'on en est au début et que la partie n'est pas encore perdue. En ce qui concerne la baisse des coûts, hein, qui a été mentionnée précédemment, effectivement, elle est drastique et j'ai envie de dire que personne ne l'avait prévu d'une telle ampleur. Je pense que si vous reprenez les études qui ont été faites partout il y a 5 ans, personne ne les avait vues à ce point. Et effectivement, il faut en tenir compte pour pas que la collectivité paye plus qu'elle ne doit le développement des parcs en mer. Et par rapport au développement quand même de l'innovation... Sur la R&D, on est effectivement plus dans le stade de la R&D, on est dans le stade des fermes pilotes, on est dans le stade de gros projets industriels. Et l'État a quand même investi plus d'un demi-milliard d'euros pour aider les industriels à développer ces projets. Donc ça, c'était juste pour relativiser. Après, effectivement, il faut que ça aille plus vite. Il y a des retards qui ont été pris. Et c'est ce que j'avais commencé à expliquer tout à l'heure sur les différents verrous à lever. Pour spécifier ce retard, il faut quand même... signaler que les éoliennes offshore sont au nombre de 1753 au Royaume-Uni, de 1169 en Allemagne, de 506 au Danemark et de 365 aux Pays-Bas et zéro en France. Bon, on a effectivement parlé, alors là vous parlez en nombre de mâts hein, d'éoliennes. Mais c'est plus facile à mesurer que les gigawatts. Mais effectivement, on a quand même parlé en début d'émission de la difficulté des challenges qu'on a en France par rapport à ces pays où c'était plus facile de le développer. Mais je suis pas dans le déni par rapport au fait qu'il faut absolument qu'on rattrape le temps perdu et qu'on accélère. Mais pour ça, il faut lever des verrous. Il faut, par rapport aux verrous technico-économiques sur la variabilité des énergies renouvelables, hein, on sait très bien que ça peut être mitigé par de la prévision de la production, par du foisonnement, par des solutions de flexibilité, de stockage, de réseaux électriques intelligents. Donc, c'est pas le sujet. Et par rapport au coût, également, on voit qu'aujourd'hui l'éolien est compétitif et que si on continue à supporter l'innovation, les coûts vont continuer à baisser. Donc c'est pour ça que je le placerai pas comme un verrou majeur, même s'il existe et qu'il faut continuer à soutenir l'innovation. Le deuxième verrou dont on a un peu parlé, qui est le verrou réglementaire administratif, il est clair que les temps de développement sont trop longs en France pour développer des projets éoliens. C'est deux fois moins long en Allemagne. Ça vient par le fait qu'il y a énormément d'étapes à passer pour un développeur. Mais justement, ces étapes qui imposent des études d'impact, des autorisations environnementales... Ça existe à l'étranger également. Il ne faudrait pas donner l'impression qu'en Angleterre ou au Danemark, on installe des éoliennes en mer sans aucune précaution. Non, c'est vrai. Mais ce qu'ils ont fait, et un exemple dont on s'inspire, c'est que l'État prend en charge le dérisquage complet des zones en amont. Ce qui fait qu'une fois que l'appel d'offres est lancé... Dérisquage, vous pouvez juste... Dérisquage, c'est-à-dire que toutes les études d'impact, toute la concertation et l'enquête publique auprès des riverains, parce que l'éolien a quand même le challenge d'avoir des conflits d'usage avec les usagers de la mer. Donc, toutes ces études d'impact sont faites en amont, ce qui fait que le lauréat de l'appel d'offres n'a plus, entre guillemets, pour simplifier, qu'à développer son parc. Et donc ça, effectivement, au niveau des autorisations qui étaient plutôt séquentielles en France, au lieu d'être intégrées, ça, c'est des leçons... qu'on a tiré et Sébastien Lecornu a annoncé 10 mesures pour simplifier tout ça, notamment le permis enveloppe et le dérisquage en amont, dans le cadre de cette programmation pluriannuelle d'énergie pour justement accélérer les choses. Bertrand Alessandrini. Oui, moi je voulais dire que il faut faire attention aux raccourcis dans ce domaine-là, surtout si on ne veut pas reproduire les erreurs du passé. Il y a 10 ans, moi, on me disait « Ah, mais c'est 3 fois trop cher. Ça marchera jamais. C'est pas rentable. » Et aujourd'hui, sur le même ton, les mêmes personnes, c'est-à-dire la société au sens large, des industriels, des journalistes, des politiques, me disent « on est en retard ». Oui, tout ça est vrai, mais qu'est-ce que ça veut dire après ? Est-ce que on dit qu'on est en retard et qu'on s'arrête ? Est-ce qu'on dit que c'est pas rentable et qu'on s'arrête ? Est-ce qu'on dit que c'est trop cher et qu'on s'arrête ? Ou est-ce que on fait des efforts, suffisamment d'efforts, pour faire baisser des coûts, pour rattraper des retards et pour finalement que ce soit rentable ? C'est ça la bonne question. Dire qu'on est en retard, bah oui, on est en retard. Mais on ne peut pas s'arrêter juste à ce constat. Juste un mot pour préciser le rôle de l'école centrale de Nantes, qui a investi 20 millions d'euros, vous disiez tout à l'heure, dans ce projet, 26 même. Comment les avez-vous trouvés ? Alors, pour une école d'ingénieurs, ça paraît... Deux parenthèses préliminaires. D'abord, on ne le sait pas assez, les écoles d'ingénieurs et les écoles centrales en particulier, et surtout l'école centrale de Nantes, on a une mission, évidemment, d'enseignement, de formation, qui est connue. On forme des ingénieurs, des masters, des docteurs. Mais on a aussi une mission très importante de recherche. À l'école centrale de Nantes, 60% de notre budget, c'est de la recherche. Donc ça, il faut vraiment le dire, on est des acteurs de la recherche, comme les universités. Dans l'ensemble du monde, ça fonctionne comme ça. Donc c'est normal. Et puis nous, on a vraiment un intérêt pour la recherche amont, évidemment, avec un papier, un crayon, des ordinateurs, mais aussi pour la recherche que l'on dit technologique, sur laquelle on essaye d'accompagner les industriels pour aller mettre en place des démonstrateurs. Et là, on est en plein, j'allais dire, dans cette démonstration-là. Sur la question des énergies marines renouvelables, ça fait 45 ans, vous pouvez rechercher les publications, que l'École centrale de Nantes travaille sur ce sujet-là. Ça ne nous indique pas exactement comment vous avez trouvé 26 millions d'euros. Mais je vais y venir. Ouais. Donc, 40 ans, c'est long, ça nous donne une certaine légitimité scientifique. Et de ce point de vue-là, on est relativement connu de nos financeurs standards, que sont l'Europe, que sont l'État, par exemple, via les investissements d'avenir, l'ADEME, etc., et que sont nos territoires. Et ces 26 millions d'euros, sur à peu près une dizaine d'années, ils ont été apportés par ces trois acteurs, l'Europe, l'État, les territoires. J'ai les cheveux dans le vent, le soleil me trace la route qui m'emmène à travers champs, retrouver l'amour et le printemps. Il y avait un océan de fleurs bleues au bord de la route. J'ai noyé mes yeux dedans, mais hélas, j'ai perdu trop de temps. Si j'ai perdu tout ce temps, c'est à cause d'une fleur que j'ai cueillie en pensant te l'offrir du fond du cœur. Tu m'avais dit en riant, rendez-vous au bord de la route. J'attendrai tout un printemps, tu as dû t'en aller en pleurant. J'ai beau chercher dans mon cœur le chemin qui mène à toi, l'hiver a fané mes fleurs, tu es toujours loin de moi. Mais je te retrouverai en suivant longtemps toutes les routes qui connaissent le secret de mon cœur que je te donnerai. J'ai les cheveux dans le vent, le soleil me trace la route qui m'emmène à travers champs, retrouver l'amour et le printemps. J'ai les cheveux dans le vent, le soleil me trace la route qui m'emmène à travers champs, retrouver l'amour et le printemps. J'ai les cheveux. Les cheveux dans le vent par Brigitte Bardot sur France Culture à 16h33. Où nous parlons en direct aujourd'hui de l'énergie éolienne, et en particulier de l'éolien en mer, avec Bertrand Alessandrini, directeur du développement à l'École centrale de Nantes, et Raphaël Gerson, chef adjoint du service réseau énergie renouvelable à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. Alors il existe quelques projets de parcs éoliens flottants en France, et parmi les responsables de ces projets, il y a Eolfi, Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes allé à la rencontre du président de cette entreprise spécialisée dans la production d'énergie renouvelable. Oui, il s'agit d'Alain Delsupex qui a fondé l'entreprise Eolfi en 2004. Eolfi, elle développe des projets de parcs éoliens mais aussi de photovoltaïques pour la production d'électricité. Et avec Alain Delsupex, on a donc parlé des éoliennes flottantes que développe son entreprise depuis quelques années. Et on a surtout parlé de la construction de la première ferme d'éoliennes flottantes en Bretagne au large des îles de Groix et Belle-Île. Alain Delsupex nous explique l'intérêt de ces éoliennes flottantes mais aussi toutes les contraintes qu'il faut surmonter quand on veut développer cette technologie en pleine mer. Le principal avantage d'une éolienne flottante, c'est d'être mobile et de pouvoir être installée de manière peu contrainte par le fond marin. À savoir que dès lors qu'on a plus de 50 mètres de fond, on peut aller s'installer à peu près n'importe où, et c'est le cas de la France par exemple, notamment hors des eaux territoriales. Tous nos projets commerciaux en France sont hors des eaux territoriales, donc on est à plus de 12 nautiques des côtes, plus de 25 km des côtes, ce qui permet d'aller d'abord y trouver les vents les plus forts. Tous les marins savent que les vents les plus forts sont au grand large, en haute mer, et donc d'avoir une production par machine plus élevée que ce qu'on peut faire avec les mêmes machines lorsqu'elles sont posées sur des fondations fixes qui par conséquent sont situées proches des côtes, à des endroits où le vent souffle moins. La haute mer, c'est un milieu très hostile, alors quelles contraintes vous devez dépasser pour pouvoir installer ces éoliennes-là au large? Alors, le cas le plus emblématique, c'est celui des typhons en Asie. Nous avons une filiale à Taïwan qui développe plusieurs gigawatts de projets flottants dans le détroit de Taïwan. Le principal enjeu est celui des typhons. Et la surprise, c'est que quand on pense à typhon, on pense à vent, évidemment. Eh bien, la surprise est que ce n'est pas tellement le vent qui est notre ennemi, c'est plutôt les vagues. En l'occurrence, lors d'un typhon, les vagues peuvent atteindre 20 mètres, peuvent même dépasser 20 mètres de haut. Lorsque vous avez des hauts fonds, c'est-à-dire que typiquement sur des éoliennes posées, vous êtes obligé de vous situer à moins de 20-30 mètres de fond. Vous imaginez qu'avec des vagues de 20 mètres, les vagues remuent le sol. Et pour peu que vous soyez sur un sol sablonneux, le sable peut être mouvant et mettre en danger la verticalité des fondations. L'avantage de l'éolien, mais aussi son défi, c'est d'aller en eau profonde, là où même des vagues de 20 mètres ont peu d'effet sur les fonds marins, avec l'inconvénient par contre de devoir faire face à des effets de mer très puissants. Donc on utilise ce que les compagnies pétrolières ont appris depuis quelques dizaines d'années, c'est à structurer ces plateformes pour tenir les conditions extrêmes. Je vous rappelle que les compagnies pétrolières développent et extraient du gaz et du pétrole dans les sites quelquefois les plus hostiles. C'est exactement les mêmes techniques, les mêmes entreprises et les mêmes certificateurs qui réalisent nos plateformes. Il me semble que vous développez également un logiciel qui permet d'optimiser en fait finalement l'installation de parcs éoliens, parce qu'une éolienne vient rarement seule. Alors comment fonctionne ce logiciel et qu'est-ce qu'il permet de faire? Alors un parc éolien, ce sont 50 à 100 machines à des distances entre 25 et 50 km de la côte, qui sont donc raccordées par des câbles sous-marins, amarrées pour chaque éolienne entre 3 et 9 amarres, et qui subissent à la fois les effets du vent, évidemment, donc avec des effets de sillage entre les machines, des effets de mer avec les vagues et les courants, et puis des contraintes qui sont la profondeur qui peut varier d'une éolienne à l'autre, et puis la qualité du sol. L'ensemble de ce contexte et de ces contraintes aboutit à une complexité d'architecture qui nécessite une maîtrise des coûts et des techniques assez poussée. Et pour réduire le coût de l'énergie, parce que l'objectif primordial de l'éolien flottant est de délivrer la production d'énergie la moins chère possible. Pour optimiser le coût d'un parc éolien flottant, on est obligé à la fois d'optimiser la production en évitant les effets de sillage, tout en réduisant les coûts des flotteurs et des amarrages, en ayant les amarrages les plus mutualisés possibles, notamment pour les ancres, qui peuvent être mutualisées d'une machine à l'autre. Et enfin, avec des pertes électriques dans les câbles, qui soient les moins chères possibles, tout en ayant des risques minimums, puisque on est toujours à la merci, lorsqu'on a des câbles électriques notamment, d'une coupure, d'un incident, qui nécessite quelquefois des redondances. Pour analyser les différents scénarios qui permettent de baisser le coût d'un parc éolien, donc on compare les différents scénarios d'architecture, et ce logiciel qui s'appelle Stationis nous permet d'étudier différents scénarios d'architecture de parcs éoliens flottants et de connaître le coût de l'électricité avant de devoir lancer des travaux plus importants. Quels sont les prochains gros défis que vous devrez relever et les grands projets sur lesquels vous allez travailler? Alors Eolfi est en train de relever deux défis. Le premier, c'est de prouver ce que l'on affirme, à savoir que l'éolien flottant est capable de battre le nucléaire en termes de coût. Et on va le prouver à travers une première ferme pilote au large de Groix et de Belle-Île, qui se trouve à une trentaine de kilomètres de la côte. Et le deuxième défi, ça va être de déployer cette technologie sur des champs commerciaux. Nous avons la chance en France d'avoir un gouvernement qui a compris le potentiel de l'éolien flottant qui se situe à 16 gigawatts. 16 gigawatts, ça vous fait à peu près la même production que 8 réacteurs nucléaires, 8 tranches nucléaires. Donc l'avènement du flottant va permettre de contribuer à la transition énergétique et je pense même que c'est un atout pour la France d'avoir ce savoir-faire et ce gisement éolien en mer pour accélérer la transition énergétique. Donc notre défi, c'est de préparer des parcs commerciaux en France où nous préparons la réponse à un appel d'offres qui devrait être lancé d'ici un an par le gouvernement, mais aussi à l'international, parce que nous sommes dans un marché global, et nous agissons à Taïwan, qui est une île qui a décidé de sortir du nucléaire en 2025 et de le remplacer par les énergies décarbonées les plus efficaces que sont le solaire et surtout l'éolien offshore. Merci Antoine pour ce reportage. Peut-être une réaction de Bertrand Alessandrini et Raphaël Gerson à ces propos. Non, moi je trouve que Alain de Suplex, que je connais bien, il explique très bien la problématique. Je crois que ce qu'il faut rajouter, c'est que, comme on disait tout à l'heure, on est au départ de la filière de l'éolien offshore. Et cette filière ne progressera pas sans la présence de l'éolien flottant. La France a encore un rôle à jouer, a plusieurs atouts dans son jeu. Je crois que si on accélère, c'est sur cette question-là. Est-ce que l'éolien flottant résout une partie des problèmes spécifiques à la France, c'est-à-dire des côtes pas forcément très faciles pour pouvoir installer des éoliennes fixes ? Ça résout plusieurs choses. La première chose que ça résout, finalement, c'est globalement l'impact au sens large. L'impact sur les populations, l'impact sur les usagers de la mer, l'impact sur les zones côtières, l'impact sur les chenaux, l'impact sur la navigation, l'impact sur les pêcheurs. Tout ça, tous ces impacts-là et d'autres font que nos projets sont difficiles. Donc dès l'instant où on va pouvoir aller plus loin des chenaux, plus loin des zones de pêche, loin de la vue. Alors bien sûr, les projets vont être simplifiés. Mais à 22 km, qui est la distance à laquelle vous allez installer votre propre éolienne, on ne la voit pas, depuis la côte. C'est on important ne la voit pas. De signaler. Non, il faut avoir de très très bons yeux pour voir un petit point blanc quand il fait très très beau et qu'il n'y a pas de nuages. On ne la voit pas. Le deuxième atout, c'est qu'on va dans des zones où le vent est plus fort. Et donc avec des facteurs de charge sur ces éoliennes qui sont bien meilleurs et donc du coup un coût qui devrait également être meilleur. Et puis toutes les zones maritimes ne sont pas aptes à recevoir des éoliennes posées comme on en voit aujourd'hui en Europe du Nord. Beaucoup de zones, par exemple en France en Méditerranée, mais aussi d'autres exemples au Japon, il y a beaucoup de zones maritimes dans lesquels le développement de l'éolien flottant est essentiel pour pouvoir installer des éoliennes offshore. Raphaël Gerson, dans le discours aussi d'Alain Delsupex, il y a cette comparaison entre l'éolien et le nucléaire. Et ça peut paraître surprenant parce que pendant très longtemps, on a assez méprisé l'éolien comme incapable de pouvoir véritablement concurrencer, en particulier le nucléaire, avec sa capacité à produire de l'électricité en continu, alors que l'éolien, c'est fonctionne quand il y a du vent et moins bien quand il n'y en a pas. Donc est-ce que c'est grâce à ces progrès et à ces nouvelles technologies que l'on arrive à cette concurrence quasi frontale entre nucléaire et éolien? Effectivement, et à l'ADEME, on fait des scénarios qui vont jusqu'à 100% d'énergie renouvelable, alors à un horizon plus lointain, hein, 2050. Pas si lointain. Mais finalement pas si lointain que ça, et qui implique une montée en puissance très importante des énergies renouvelables dans le mix électrique. Et effectivement, la compétitivité économique et la baisse des coûts, et de l'éolien notamment, et c'est pour ça qu'on le met en confrontation directe avec le nucléaire, a permis ça. au même titre que les autres progrès technologiques sur la prévision de la production d'un côté et sur l'autre côté, les réseaux électriques intelligents, les solutions de flexibilité et de stockage également qui se développent et qui permettent justement de pallier à cette variabilité inhérente aux énergies renouvelables et donc à les rendre tout à fait compétitives et avec un espèce de foisonnement qui permet finalement de rendre ce mix énergie renouvelable complètement à 100% renouvelable possible et à un coût tout à fait compétitif et supportable pour la collectivité. Alors, on va s'interroger aussi sur ce miracle de la baisse du coût. Comment, en si peu de temps, l'éolien a pu réduire ses coûts à ce point-là? Quels sont les progrès technologiques qui l'ont permis, Bertrand Alessandrini? Est-ce qu'on peut les spécifier? Oui, mais alors, je voudrais me permettre une petite parenthèse sur le nucléaire. Je vous en prie. Et sur la question de l'intermittence des énergies renouvelables et de l'éolien. Parce que la question de l'intermittence de la production, ce n'est pas la vraie question. Alors, j'en profite pour dire que je ne suis pas un anti-nucléaire, ça c'est sûr. Mais quand même, ce n'est pas la question de l'intermittence de la production. C'est la question de l'intermittence de la production, mais également de la demande. Et de ce point de vue-là, le nucléaire ne répond pas non plus au problème. Si on avait 100% d'énergie nucléaire, on ne s'en sortirait pas. On ne régule pas une centrale nucléaire. On ne divise pas par deux la quantité d'électricité faite par une centrale nucléaire la nuit. On peut l'arrêter. Non. On l'arrête souvent pour des raisons de maintenance, par exemple. Pour arrêter une centrale nucléaire, ça demande beaucoup de temps, et ce n'est pas le temps de la régulation standard de l'électricité, de la demande. La fréquence standard, c'est la période jour-nuit. La période jour-nuit, vous ne la régulez pas avec une centrale nucléaire. Vous ne la régulez pas non plus avec des énergies renouvelables de type éolien. Mais c'est quand même fondamentalement le même problème de la régulation, de la demande, par rapport à la production. Donc de ce point de vue-là, cette question de l'intermittence, c'est un débat qui est un tout petit peu plus compliqué que celui qu'on a bien voulu mettre sur la table. D'autant qu'il peut se résoudre en partie avec le développement du stockage. Exactement. Et oui, tout à fait. Je me permets de rebondir parce qu'effectivement, ça fait partie des solutions de pilotage de la demande que je mentionnais précédemment et qui font partie intégrante de nos études. Quand on parle d'un mix 100% renouvelable, il faut du pilotage de la demande, il faut cette flexibilité qui est tout à fait possible avec les progrès qui ont été faits. J'aimerais également revenir sur l'interview d'Eolfi qu'on a entendu, puisque c'est un de nos projets lauréats qu'on cofinance, donc qu'on soutient bien évidemment aux côtés des trois autres fermes pilotes en développement. Et à ce qui a été dit par mon collègue sur les innovations et le fait qu'effectivement, il y a des grandes synergies entre les trois secteurs, éolien terrestre, éolien en mer posée, éolien flottant. À l'ADEME, on a fait une étude récente sur le potentiel d'innovation. On en a listé 64 sur les différents postes. Et on arrive effectivement sur ces 64, 35 sont communes aux trois. Donc ça vaut vraiment le coup de soutenir comme quoi les filières entre elles se nourrissent par l'innovation et pour toutes bénéficier de cette baisse des coûts. Je voudrais également revenir sur quelque chose qui a été dit et qui est très juste, sur le fait que les impacts sont de l'éolien. On en parle énormément et vous avez dit très justement, on la voit pas quand c'est effectivement au large. On la voit pas, mais ça empêche pas des gens de poser des recours, des lobbies très organisés, minoritaires. Quand on fait des études sur la perception du citoyen des énergies renouvelables, elles sont positives à plus de 80%. Donc c'est vraiment une pensée minoritaire, mais très organisée. Les éoliennes fixes, en mer, mais fixes, sont plus proches des côtes que ces 22 km dont on parle, et elles sont un peu plus visibles, reconnaître. Elles sont un peu plus visibles. Et plus on se rapproche des côtes, plus c'est visible. Alors pour l'éolien terrestre, vous avez effectivement, on est quand même à plus de 500 mètres des habitations, mais là, elles sont très visibles. Et ce sont les mêmes personnes qui s'opposent à l'éolien terrestre comme à l'éolien en mer et qui s'opposeront demain à l'éolien flottant. Donc c'est pour ça que même si ces personnes sont minoritaires, et il n'y a pas un jour qui se passe sans que vous lisiez voyez ou que vous entendiez quelque chose de négatif sur l'éolien. Donc quand on parlait des retards, c'est une grande cause de ces retards, tous ces recours qui sont posés. Mais ceci n'empêche que le citoyen est tout à fait légitime à se questionner sur les potentiels impacts que ces parcs peuvent avoir sur l'environnement, sur la biodiversité, est-ce que ça va faire du bruit, sur la santé, etc. Et qu'il faut répondre. Il faut répondre à ces préoccupations. Il faut impliquer le citoyen dans les projets et très en amont. C'est pour ça qu'on croit beaucoup au financement participatif à l'ADEME notamment. Très bien, on va dire un mot sur cette innovation magique qui a permis de baisser par un facteur 3 les coûts de l'électricité éolienne au cours de la dernière décennie. Alors, pour aller aussi dans le sens de cette préoccupation de l'impact des éoliennes vis-à-vis du public et de l'acceptabilité, il y a une annonce qui date d'hier, en fait, d'une éolienne produite par GE Renewables de Nantes, Saint-Nazaire d'ailleurs, et Cherbourg, près de chez vous, Bertrand Alessandrini. Une éolienne qui s'appelle Aliade 10, qui fait quand même 12 mégawatts, c'est-à-dire nettement plus que les 2 mégawatts de l'éolienne Floatgen dont on parlait au début de cette émission. Et avec, elle est équipée, cette éolienne qui mesure 260 mètres de hauteur, donc pas très loin de la hauteur de la tour Eiffel, et qui est équipée donc d'un rotor de 220 mètres avec des pales de 107 mètres de long chacune, ce qui peut paraître assez monstrueux et qui peut peut-être effrayer un peu le public, Bertrand Alessandrini. Alors, d'abord sur cette question de la réduction des coûts et sur le caractère un petit peu magique que vous mentionnez, dire que finalement c'est pas si magique que ça. C'est des courbes d'apprentissage quand une filière naît. Elles sont connues. On sait que quand les coûts sont là, on sait qu'on va les diviser par 2 puis par 3 dans un temps qui peut être plus ou moins long. Là, c'est ce temps qui a été mal évalué. Mais les acteurs attentifs étaient absolument certains que le coût d'aujourd'hui de 60, 65, 70 euros du mégawatt, on allait l'atteindre en suivant quelque chose de très standard, naissance d'une filière, courbe d'apprentissage. Vous voulez dire que l'État à l'époque n'a pas été attentif à ces courbes, puisque aujourd'hui il paraît très surpris du résultat de ces évolutions, c'est-à-dire de la division par 3 du coût de l'électricité éolienne. Je pense que c'est un peu un réflexe français, et pas uniquement celui de l'État, que de voir des photos d'un paysage et pas de regarder des films. Et donc quand je regarde une photo de ce qu'est la filière éolienne en 2010, je prends une photo et je me dis « Ouh, c'est pas beau !» Mais c'est normal, c'est un film. Et si c'est le film que je regarde, là je me dis que finalement, peut-être ça se termine bien. Voilà. Et donc, on a tendance à regarder des photos, dire « Ouh là là, c'est pas beau, je mets la photo à la poubelle ». C'est dommage, c'était l'image d'un film. Donc, il faut essayer de regarder des films, de regarder des histoires, de regarder comment elles débutent, de regarder comment elles peuvent se terminer, et d'essayer de définir une stratégie dans un contexte dans lequel on évolue avec le temps, et pas dans lequel on voit le monde comme figé. Le monde, aujourd'hui, il bouge. Non seulement il bouge, mais il s'accélère. Et je crois qu'en France, on n'a pas complètement conscience de ça, peut-être moins conscience que dans d'autres pays, et je crois que ce soit dans l'esprit du public comme dans l'esprit de nos décideurs, ça mériterait d'être un tout petit peu travaillé. Voilà. Alors maintenant, oui, c'est gigantesque, mais c'est aussi pour cette raison-là qu'on fait baisser les coûts. Parce que quand vous mettez 12 mégawatts sur un mât, alors c'est pas exactement le même mât, mais quand même, c'est un seul mât, c'est pas la même chose que quand vous mettez 3 ou 4 ou 5 mégawatts. Donc ça participe, ce gigantisme, évidemment, il n'est pas là pour ne pas faire plaisir aux gens et dire, vous voyez, on fait grand, c'est moche. Il est là parce qu'on veut évidemment faire baisser les coûts. On travaille de la même façon sur des éléments qui sont moins visibles, par exemple les fondations, c'est au fond de l'eau, mais il y a beaucoup d'innovations aujourd'hui sur les fondations. Il y a beaucoup d'innovations également sur les navires, sur l'ensemble du matériel qui permet d'installer. C'est gigantesque, hein, le matériel qui permet d'installer ces éoliennes. C'est très coûteux, donc il y a beaucoup de travail de développement de ce matériel spécifique. Donc voilà, tout ça, mis bout à bout, fait que à la fin, on fait baisser les coûts. Alors Raphaël Gerson, est-ce que vous êtes prêt à passer de la photographie au cinéma ? Ah mais complètement. Et j'ai envie de dire que toutes ces innovations, on les soutient. On les soutient dans le cadre de nombreux... Enfin, à l'ADEME, on a un programme qui les soutient depuis la thèse à quelques milliers d'euros jusqu'au programme des investissements d'avenir à plusieurs centaines de millions d'euros. Mais vous les souteniez également il y a 10 ans, à l'époque où ils n'ont pas abouti. Programme des investissements d'avenir est plus récent que ça, il y a 5 ans. Mais avant, il y avait d'autres investissements, j'imagine, avant les investissements d'avenir. Oui, mais on a effectivement changé d'échelle quand même. Il faut le noter, on a changé d'échelle et maintenant on change de rythme. Donc rien n'est perdu. Et par rapport aux innovations qui ont été mentionnées, effectivement, je vous parlais de cette étude qui a été faite et je rejoins ce qu'a dit mon collègue sur l'augmentation de la taille des rotors. Donc vous parliez de ces de la longueur des pales, hein, c'est ça. C'est un facteur critique pour baisser les coûts. Et là, dans notre étude, on montre que les facteurs de charge, hein, c'est-à-dire le temps où l'éolienne fonctionne à pleine puissance, va augmenter considérablement grâce à ces rotors. Aujourd'hui, on atteint la vitesse du son pratiquement en bout de pale sur de telles machines. C'est ça. Et donc du coup, à terre, on est aujourd'hui à 90, demain on sera à 120 mètres et en mer on est aujourd'hui à 150 et demain on sera à proche de 200 mètres, et ce qui permettra au facteur de charge de passer, de dépasser les 30% à terre et les 50% en mer, et c'est ça qui permet la baisse des coûts, ça avec l'allongement de la durée de vie et toutes les innovations qui permettent l'allongement de la durée de vie. Alors je ne vais pas vous lister les 64 ici, mais on a effectivement, pour l'éolien terrestre, c'est vraiment sur les nacelles et les rotors qu'on va pouvoir continuer à innover, et pour l'éolien en mer il y a là toutes les briques. Puisque vous le disiez très justement, on est au début. Donc toutes les briques, comme la modélisation des conditions en mer, l'amélioration sur les flotteurs, sur les amarres et sur les matériaux composites des pales, etc. Toutes ces briques-là développées bout à bout vont permettre la baisse drastique des coûts dont on parle. Alors un risque quand même qui pèse sur l'éolien en ce moment, c'est, et en particulier sur ces projets d'éolien en mer, c'est le débat au Parlement qui peut aboutir à un blocage du fait de cette différence de coût qui, est paradoxalement, devient un danger pour l'éolien. Bertrand Alessandrini, en un mot. Oui, en un mot, vous avez bien résumé la situation, et je crois que là, il est difficile de prendre parti. On a d'un côté l'État qui, lui, est garant des fonds publics et se dit assez justement, eh bien, écoutez, moi aujourd'hui, je vois que l'éolien offshore sort à des tarifs de 65 euros du mégawattheure et vous me les avez vendus il y a 7 ans à 220 euros du mégawattheure. Donc, vous allez faire, on va dire, sur le dos du contribuable, un bénéfice absolument gigantesque. Donc ça n'est pas possible. Ça, c'est la position de l'État. Et les industriels n'ont pas l'air d'être tout à fait d'accord. L'industriel n'est pas d'accord pour deux raisons. D'abord, il dit, écoutez, on a signé un contrat, ce qui n'est pas faux. Mais derrière, il y a un vrai problème. C'est que... Et derrière, il y a toute, on va dire, la mécanique des autorisations en France. C'est que les autorisations qui ont été demandées dans le cadre de ces appels d'offres sont des autorisations très spécifiques, dans lesquelles on disait « je mets une éolienne comme ça, à cet endroit-là, avec tel type de turbine ». Et effectivement, si on fait ça, c'est-à-dire si on fait ce qui est marqué sur les contrats... On revient au prix. On revient, pas tout à fait au prix, presque. Mais pas loin. Et en plus, c'est très dommage. Parce qu'on n'utilise pas ce qui est aujourd'hui dans les cartons. Donc là, il y a un vrai problème. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voit apparaître ce qu'on appelle en France, et je pense que c'est une très bonne chose, les autorisations enveloppes qui permettent d'avoir des autorisations plus génériques dans lesquelles on peut choisir in fine les technologies. Eh bien malheureusement, on arrive au terme de l'émission. Merci beaucoup à nos deux invités, Bertrand Alessandrini et Raphaël Gerson, d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Grand merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Ève Etienne, Mathieu Lefrançois, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc et Sarah Ijmans, et bien entendu Elisabeth Miro à la réalisation et Jean-Guilain Meige à la technique. Rendez-vous demain dans la méthode scientifique où nous parlerons de thérapie in utero des fœtus, ces interventions prénatales qui semblent relever de la science-fiction. D'ici là, vous avez rendez-vous avec Dugrain à Moudre à 18h20 sur le thème bioéthique, faut-il lever l'anonymat des dons ? À 17h, LSD, la série documentaire est consacrée cette semaine au thème « Quand la création raconte le sida », aujourd'hui, corps souffrant, corps combattant ».